Chapitre 41e, Brahim Boucharif. Le lendemain m'a doré aux éclats quand elle vit son tilleul enfiler un pull à col roulé. Je ne pensais pas qu'on t'envoyait en mission au pôle Nord. Si je l'avais su, je me serais assuré que tu étais bien réchauffé de partout. Maintenant, dit-elle, faussement amère, cela devra attendre ton retour, et si c'est vraiment le pôle Nord, qui sait quand nous nous reverrons? Pour un peu, je verserai bien une petite larme. Hypocrite. Tu vas vite te consoler entre d'autres bras, qui d'ailleurs ne demandent que cela. Est-ce que par hasard tu me réclamerais une certaine exclusivité? À quel motif? Tu ne peux même pas prétendre à l'ancienneté. Non, mais tu ne paies rien pour attendre. Blague à part. Si tu passes par une boulangerie, peux-tu me ramener des navettes et de la fougasse? Seulement si tu te montres sage. Ce qui veut dire... Mado avait eu beau en rire, le pull à col roulé n'était pas de trop, car une fois de plus, la climatisation du TGV était mal réglée. Pourtant, du tilleul n'en passa pas moins un agréable voyage. Il avait demandé à Brahim de venir le prendre à la gare pour gagner du temps, car il devait impérativement repartir en milieu d'après-midi. Brahim lui avait parlé d'un endroit tranquille où il pourrait parler à loisir. « Vous comprenez ?» lui avait-il dit au téléphone. « La boutique, ce n'est pas possible. » Parce qu'il y a trop de bruit avec les machines et à la maison, je n'aime mieux pas. Vanessa sait que j'ai fait des conneries, mais pour le détail, je préfère qu'on aille chez mon pote Marius. En plus, ce n'est vraiment pas très loin de la gare. On pourra manger sur place. Mon pote sert une de ses pizzas. On n'aura qu'à prendre la petite salle sur l'arrière. Si cela ne pose pas de problème. Non, je lui fais tous ses menus à l'œil, à Marius. On s'entraide mutuellement. Lui aussi, dans le temps, il a fait quelques conneries et a distribué quelques coups. Lui, comme moi, c'est fini maintenant. Il est le parrain de mon fils et je suis le parrain de sa fille. Ah, si un jour on m'avait dit que moi aussi je finirais par avoir ma place au soleil. Du Tilleul avait donc accepté le rendez-vous chez Marius. De toute façon, il n'avait pas trop le choix. Il devait absolument parler à quelqu'un et au moins, Brahim avait eu le courage de s'en sortir. Comme quoi... Contrairement à ce que pensaient obstinément certains, il n'était jamais trop tard. Comme promis, Brahim Boucharif était à la descente du train. Du Tilleul le trouva presque élégant dans son blouson en cuir retourné et son jean clair. Le regard était pétillant et la peau bronzée annonçait une bonne santé retrouvée. Pour quelqu'un qui s'était pas mal drogué, c'était déjà en soi un petit miracle. Brahim Boucharif était plutôt petit et trapu, ce qui lui avait valu le surnom de Taurion quand il était jeune, car il était très costaud et n'avait pas son pareil pour décocher des coups de pied dans les directions les plus inattendues. Comme il s'emportait à la moindre contrariété, les coups partaient souvent. À présent, à 35 ans passés, il conservait des épaules larges et des jambes plutôt courtes. Le hâle méditerranéen dissimulait avec un certain bonheur les nombreuses cicatrices que comportait sa face. Seule trace de ce passé agité, le nez, irrémédiablement cassé. Un tour chez le dentiste lui avait permis de regagner une dentition sans défaut, et c'est avec un grand sourire que Brahim Boucharif accueillit du tilleul. En lui serrant la main, celui-ci put constater qu'il possédait toujours cette poigne incroyable et se répéta une nouvelle fois in petto qu'il aurait certainement pu faire un sacré bon boxeur. Du tilleul s'amusa de trouver une vieille Renault 19 garée devant la gare. Brahim Boucharif avait renoncé au bolide dont il était si friand. À l'arrière, il aperçut deux sièges enfants. Les temps avaient définitivement changé. Brahim avait dû suivre le fil des réflexions de Du Tilleul, car il vint le conforter dans ses constatations. « Elle roule très bien et de toute façon avec les enfants. Puis celle-là, je l'ai vraiment achetée. Elle a des papiers en règle et tout. Je fais même faire les contrôles techniques, et même s'il n'est pas très propre. Mais ici, avec la poussière, c'est difficile. » J'en suis très content. C'est un pote qui me l'a revendu. Elle approche les 100 000 kilomètres. Du Tilleul s'installa en bataillant avec la ceinture de sécurité qui était entortillée. Le dérouleur est cassé, mais comme Vanessa s'en fiche, je le laisse comme ça. Du Tilleul sourit. Alors, comment vont les affaires? Y a pas à se plaindre. J'ai fait mon trou et maintenant ça tourne tout seul. Bien sûr, il faut faire très attention aux machines. Mais comme je m'en occupe moi-même, je n'ai pas de surprise. Je paye mes charges et je prévois de faire construire une maison d'ici 2 ans. Comme ça, papa et maman pourront venir. Vanessa les aime beaucoup et c'est réciproque. Maman ne cesse de me répéter que j'ai eu de la chance de tomber sur une fille comme elle, et elle est littéralement folle de ses petits-enfants. Elle me tanne pour les voir plus souvent, mais ce n'est pas facile avec la boutique. Vous n'avez pas d'aide ? Si, il y a Youssef, mais il n'a pas encore assez d'expérience, et puis il a ses études. Il fait du droit. Je ne sais pas comment il fait. Je sais qu'il ne restera pas, et c'est bien dommage, car c'est un gars bien. Quant aux autres, ils sont trop jeunes. Ils ne pensent qu'à gagner de l'argent le plus vite possible. Dutilleul sourit. Ça vous fait marrer, j'en étais sûr. C'est vrai que j'étais pareil, en pire. Seulement maintenant, j'ai appris ce que c'est que de se lever tous les matins pour aller bosser honnêtement. J'apprécie de ne plus se lever avec la trouille de se prendre une balle dans la peau. Je n'ai plus à prendre systématiquement la fuite devant les flics, pardon. Pas d'offense. Comme tous ceux que je prenais pour des cons, j'ai appris à mettre ma ceinture et à respecter les limitations de vitesse. Bon, je n'ai pas encore tous mes points sur le permis, mais je les récupère petit à petit. Beaucoup vous diront que j'ai changé, que je me suis trahi, sans doute. Seulement moi, j'ai encore de l'air qui entre dans mes poumons, alors que tant d'autres de ma connaissance reposent 6 pieds sous terre. Sachez bien, Dutilleul, que je ne regrette rien. Quand, chaque matin, je vois les yeux de mon fils et de ma fille, je sais que j'ai fait le bon choix. Les flics, comme vous dites, ne vous ennuient pas trop. Bien sûr, ils viennent se rencarder une fois de temps en temps. C'est presque obligé avec mon pédigré. Mais ils restent corrects parce qu'ils savent que j'ai arrêté les combines. En fait, ils débarquent surtout quand un nouveau se pointe dans le paysage. Dans ce cas, il peut arriver que je rencarde discrètement, du moins si je sais que le type va mettre le merdier. Je ne fricote déjà plus avec les petites frappes du cru, alors ce n'est certainement pas pour me remettre à la colle avec ceux de mon ancienne cité. Il n'y a pas de solidarité qui tienne, moi j'ai tourné la page. Je me tiens à carreau, je ne veux plus d'emmerde. J'ai eu mon compte. Si les anciens débarquent, il faut qu'ils soient en transit parce que sinon, je fais le mort.